stylo a fini d'écrire. J'écris tout ce que je n'ai pas su dire. Je vous envoie cette lettre d'adieu. Ne m'en voulez pas pour ces aveux. Je suis bien fragile pour vous en faire part. Alors maintenant je sais, il est bien trop tard. Mais ne craignez rien, j'espère au moins qu'on se reverra pas très loin. Et pourquoi pas dans une autre dimension. Ou alors même chez vous dans votre maison. Oui, dans votre maison. Je pars, je m'en vais, je reviendrai. Je pars, je m'en vais, je garde comme c'était. Je pars, je m'en vais, je m'en souviendrai. Les petites folies, les petits baisers, quand on faisait l'amour l'été. Amour l'été. Vous m'avez dit il y a 2 jours déjà, pendant qu'on mangeait nos 10 ans, que nous deux ça sera à l'infini. Mais mon amour, que veux-tu, c'est la vie. Moi elle m'a tout offert et tout s'est terminé. Et ça recommence, ça ne fait que de tourner. Mais je vous en supplie, ne m'en voulez pas. Moi je ne voulais que vous, mais voilà. Puis-je vous laisser aussi ces quelques roses, car vous les garderez très bien avec ma prose. Oui, avec ma prose. Je pars, je m'en vais, je reviendrai. Je pars, je m'en vais, je garde comme c'était. Je pars, je m'en vais, je m'en souviendrai. Les petites folies, les petits baisers, quand on faisait l'amour l'été. Oui, l'amour l'été.